Déclencher une querelle d'église et y participer est dangereux. Certains abandonnent Dieu pour cela. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Peut-être avez-vous été la victime innocente d'une querelle ou d'un scandale d'église. Il est tragique de voir des chrétiens qui abandonnent Dieu lorsqu'ils sont témoins de la destruction de l'église dans laquelle ils ont grandi. Il est dangereux d'amorcer un conflit dans une église. Il est dangereux de se trouver dans un tel conflit et encore plus dangereux d'y participer. Saviez-vous que les chrétiens de Corinthe étaient sur le point de détruire leur église à cause de divisions entre eux? La cause en est toujours l'orgueil. Dans l'émission d'aujourd'hui, Charles Stanley examine les conseils que donne Paul à ce sujet. L'enseignement de Charles Stanley est tiré de la première épître aux Corinthiens. Voici un message de Charles Stanley intitulé « Comment détruire une église ». Imaginez, je veux vous expliquer comment les églises se font détruire. Je ne révèle rien de nouveau et je ne vous enseigne pas cela pour que vous détruisiez une église, mais je vous transmets un avertissement que Dieu a donné par la plume de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Dans cette épître, Paul traite des problèmes des églises. Il parle donc du ministère du jugement et des récompenses que recevront les chrétiens. Ouvrez votre Bible au chapitre 3 de l'épître, nous lisons à partir du verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Considérons le contexte de ces versets. Depuis le début de l'Épître, Paul parle du fait que les chrétiens s'appuient de nouveau sur la sagesse du monde. Au chapitre 3, Paul dit aux chrétiens de Corinthe qu'ils sont charnels, qu'ils se conduisent comme des enfants. Il leur reproche de se conduire comme des nourrissons dans la foi. Pourquoi les accuse-t-il ainsi? Parce qu'ils sont divisés entre eux. « Je suis un disciple d'Apollos, le plus éloquent de tous les pasteurs. Je suis un disciple de Pierre, c'est tout de même à lui que Jésus a dit qu'il est le rocher sur lequel il construirait l'Église, selon Matthieu 16, verset 18. » « Je suis un disciple de Jésus-Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu. » Finalement, il y a ceux qui se disent disciples de Paul, le fondateur de l'Église de Corinthe. C'est Paul qui enseigna le premier dans cette ville. Les chrétiens de Corinthe se disputaient entre eux et étaient divisés. Paul leur a dit que le feu éprouverait l'œuvre de chacun, et au verset 16 et 17, il a ajouté « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Dans ce texte, il nous explique comment nous pouvons détruire une église. Notez que Paul ouvre avec un avertissement. Il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » En fait, si nous examinons le texte grec, nous remarquons un article indéfini dans le premier verset et un article défini dans le deuxième verset. Le texte devrait se lire ainsi. « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Pourquoi est-ce que le texte grec dit « un temple de Dieu » au verset 16 et « le temple de Dieu » au verset 17? Habituellement, nous pensons au fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul parle d'autre chose dans ce verset. Notez ce que Paul dit au sujet du temple. Au verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple ?» Au verset 17, il dit « Si quelqu'un détruit le temple. » Paul ne parle donc pas du corps humain comme étant le temple du Saint-Esprit dans ce texte. Il le dit plus loin, au chapitre 6. Mais dans le texte que nous examinons présentement, il parle du corps des croyants de l'Église. Il dit à l'Église « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu ?» Paul s'adresse à l'assemblée locale des croyants. Il leur demande s'ils savent que leur assemblée locale est le temple du Saint-Esprit. Ensuite, il dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. » L'apôtre Paul ne parle donc pas du temple qu'est le corps humain, mais il leur dit « Vous êtes un temple, et ne savez-vous pas que si quelqu'un détruit le temple, c'est-à-dire l'assemblée locale, l'église locale, Dieu le détruira parce que le temple est saint. » Une assemblée de chrétiens est un temple de Dieu. Ce temple est saint. C'est ce qu'était l'église de Corinthe, et c'est ce qu'est votre église chrétienne locale. À l'époque de Paul, les peuples construisaient des temples afin que les dieux les habitent. À l'époque du Nouveau Testament, on ne construisait pas encore de bâtiments pour les églises. Les premiers bâtiments, tels que nous en avons aujourd'hui, ont été construits pour la première fois vers l'an 220 après Jésus-Christ. À l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens se rencontraient dans des maisons. L'Église, c'était l'assemblée des croyants qui se réunissaient dans des maisons. Paul a dit « Vous êtes un temple de Dieu ». Paul dit que si quelqu'un détruit un de ses temples, Dieu le détruira. Paul donne donc un avertissement au sujet des non-croyants et des faux enseignants qui s'infiltrent dans le corps du Seigneur Jésus et qui le détruisent. Paul nous avertit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qu'est l'assemblée des croyants de Corinthe, Dieu le détruira. J'aimerais que vous observiez aussi le mot « détruire ». Relisons le verset 17. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Le mot grec qui traduit « détruire » est « phtéer ». Il signifie « corrompre »,« se corrompre »,« détruire »,« ruiner ». Cependant, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu, chapitre 16, verset 18. Cela est vrai. Personne ne peut détruire le corps de Jésus-Christ ou l'Église, qui est formée de tous les croyants sur la terre. Il est impossible de détruire cette Église. Le séjour des morts ne pourra pas empêcher l'Église d'être conquérante. Cependant, une assemblée locale peut être détruite. Un chrétien peut être blessé au combat, tombé ou voir son témoignage personnel ruiné. Paul ne dit pas que l'ensemble du corps de Christ, l'Église universelle, peut être détruite, mais il affirme qu'une assemblée locale de croyants peut l'être. Combien d'entre vous ont vu une Église fermée à la suite d'une division causée par une querelle de faux enseignements ou pour d'autres raisons? Par ailleurs, une Église peut perdre toute vitalité spirituelle au point qu'il serait mieux qu'elle cesse toute activité. Les quelques saints qui y restent pourraient aller ailleurs et l'on pourrait jeter le bâtiment à terre et le remplacer par un édifice à bureaux qui ne serait pas un mauvais témoignage. Il ne devrait pas exister d'Église morte. En effet, une Église morte est un concept contradictoire. Cependant, nous savons que les églises ont été entièrement détruites. Elles ont perdu toute influence et toute crédibilité dans leur ville, village ou communauté. L'apôtre Paul avertit les croyants de Corinthe qu'une personne qui détruit une église sera elle-même détruite par Dieu. Qu'importe qui il est, un prédicateur, un pasteur, un ancien, un diacre, Dieu le détruira. Cela ne veut pas dire que Dieu fera périr tous ceux qui détruiront une assemblée locale. Mais je peux vous assurer d'une chose, celui qui met la main sur une branche de l'Église du Seigneur sera corrompu, ruiné ou détruit. Le mot a ses trois sens. De nombreuses personnes entrent dans une Église afin de la corrompre. il y a plusieurs façons de faire cela. Cependant, les personnes qu'ils font répondront de leurs actions à Dieu. J'ai été témoin de cela. Des gens ont détruit ou corrompu des églises, et Dieu leur a fait récolter ce qu'ils avaient semé. Dieu les a ruinés. Lorsqu'une assemblée corrompue par le péché, les divisions, les médisances et les calomnies, cette assemblée se désintègre. Savez-vous qui souffre le plus? Ce sont les enfants. C'est la jeunesse, car soudainement, elle est déchirée. Les jeunes voient les gens qui les ont aimés, comme le pasteur, les parents, les anciens, les diacres, les enseignants, divisés. Ils pensaient que ces personnes étaient sanctifiées, et maintenant, elles sont divisées en deux camps. Ces jeunes sont déchirés. Qui doivent-ils croire? Savez-vous ce que fait Satan? Il mine la foi de ses enfants qui grandissent en se demandant si tous les gens sont comme cela. Il ne faut pas s'étonner si beaucoup d'enfants ne veulent plus rien savoir lorsqu'ils deviennent adolescents. Je ne peux pas les blâmer. Je ferais probablement la même chose qu'eux si j'étais à leur place. Mes amis, quittez l'église, partez, claquez la porte, tournez le dos à tous, mais ne contribuez pas à la destruction d'une église. Ce n'est pas un bâtiment que vous détruisez, mais des êtres humains. Les gens sont blessés par la division. Ils sont déchirés parce qu'on les tire des deux côtés. Ils ne savent pas quel camp choisir. Bien qu'ils sachent ce qui est bien, leur loyauté, leurs relations, leurs amitiés et leurs sentiments peuvent parfois les pousser dans une autre direction. Une des choses les plus tragiques que j'ai vues, ce sont des chrétiens qui ont abandonné Dieu après qu'ils ont été témoins de la destruction d'église dans laquelle ils avaient grandi. Il est très dangereux de provoquer une querelle dans une église. Il est très dangereux de se mêler d'une telle querelle. Et il est dangereux d'y contribuer. Dieu dit qu'il va détruire celui qui détruit son temple. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Paul ne parlait pas du bâtiment, mais d'assemblée de croyants, du peuple de Dieu. Dieu dit qu'il détruira ceux qui frappent son peuple. Pour cette unique raison, nous ne voudrions pas être complices d'une telle action. Examinons ce que Paul dit au verset 18 et 19. « Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. » Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Dieu prend ceux qui se prétendent sages à leur propre piège. Il connaît les raisonnements de la sagesse humaine, et il sait qu'ils sont inutiles et qu'ils ne fonctionnent pas. Paul s'adressa à l'église de Corinthe, où des personnes se croyant sages avaient décidé de fonctionner selon des principes du monde. Une excellente façon de corrompre une église est de l'opérer et de l'administrer selon les principes du monde. Le problème de la plupart des églises est bien décrit au verset 18. Relisons-le. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Certaines personnes gèrent les églises comme ils gèrent une entreprise commerciale, mais Dieu n'a jamais voulu cela. Il désire plutôt que les hommes pieux gèrent leur entreprise comme l'Église devrait être gérée. Paul reproche à l'Église de Corinthe de fonctionner selon les principes du monde. Une Église qui s'écarte de la Bible pour suivre cette voie s'attire des ennuis. Cela se fera automatiquement parce qu'une entreprise spirituelle ne peut pas être gérée selon les principes du monde. Les versets 19 et 20 indiquent le problème. Les voici. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Une œuvre spirituelle ne peut pas être accomplie selon la sagesse du monde. Nous devons prier que Dieu nous donne sa sagesse afin que nous puissions distinguer ce qui semble une bonne idée de ce qui semble être de la sagesse divine et de la sagesse du monde. Nous devons demander à Dieu de nous indiquer ce qu'il désire. et non chercher à répondre aux attentes du monde ou faire ce qui nous semble bien. Il faut demander à Dieu de nous indiquer sa volonté, et Dieu va bénir notre travail et nos œuvres. Lorsqu'une Église consulte des sources du monde pour se faire guider, elle se dirige tout droit vers les problèmes. Observez une Église dirigée par des pasteurs, des anciens, des diacres qui aiment Dieu, qui veulent être les personnes que Dieu désire qu'elles soient, qui cherchent à fonctionner selon la parole de Dieu et les principes divins. Et vous verrez une Église grandir et s'épanouir. Cependant, considérez un groupe d'hommes qui veulent faire les choses à leur façon et qui veulent fonctionner selon les principes du monde, et vous verrez qu'ils dirigent une Église corrompue. Une bonne façon de détruire une Église consiste à examiner les principes du monde et à les adopter pour gérer et guider l'Église. J'aimerais dire un petit mot à ceux d'entre vous qui étudient à l'école biblique présentement en vue de devenir pasteur. Je sais que certains d'entre vous se trouveront dans des églises où la vérité n'a pas été bien enseignée et où tout ce que les membres savent faire, c'est ce qu'ils font présentement. Mes amis, vous allez connaître ce que sont les épreuves, alors préparez-vous en conséquence. J'invite les auditeurs à prier pour ceux qui sont présentement en formation dans des écoles bibliques. Vous deviendrez pasteur d'une église alors que vous serez dans la mi-vingtaine. Vous vous trouverez avec un conseil d'église d'environ 7 à 20 membres dans la cinquantaine ou la soixantaine. Ils penseront tous en savoir plus que vous. Je suis passé par là, et ce n'est pas une expérience facile. Vous travaillez sur un dossier ou un projet et vous demandez à votre conseil. Que dit Dieu ou la Bible à ce sujet? Vous êtes devant un groupe d'hommes aux cheveux blancs qui ont beaucoup de sagesse, mais une sagesse qui vient du monde, car on ne leur a jamais bien enseigné la sagesse divine. De nombreux hommes servent dans les églises, mais on ne leur a jamais bien enseigné la Bible. Ils prendront donc des décisions d'après les principes du monde, les seuls qu'ils connaissent. Or, Dieu demande que nous cherchions à connaître sa volonté avant d'agir. Il nous demande de lui faire confiance pour pourvoir à nos besoins. Cependant, si nous n'avons pas appris cette leçon spirituelle, nous fonctionnons avec les principes du monde, ce qui est tragique. En plus de fonctionner d'après les principes du monde et non d'après les principes ou la volonté de Dieu, certaines corrompent une église en se querellant avec les gens. Lisons les versets 21 et 22. « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Que dit Paul exactement dans ces deux versets? Du point de vue du monde, nous disons, « Bien, je suis le pasteur de cette église, je suis donc votre pasteur. » Paul dit que ce n'est pas vrai. Il dit que les pasteurs appartiennent à l'église. Paul reproche à l'Église d'être divisée. Il en a déjà parlé lorsqu'il a affirmé qu'un des problèmes de l'Église, c'est la division entre ses membres. Certains se disaient disciples d'Apollos, d'autres disciples de l'apôtre Paul, d'autres disciples de Pierre, et les super spirituels se disaient disciples de Jésus-Christ. Examinons maintenant le verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Au verset 6, Paul a dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Paul dit que Dieu a appelé les pasteurs et les enseignants à appartenir au corps de Jésus-Christ, à l'Église entière. En tant que chrétien, je ne peux pas choisir un des anciens ou un des pasteurs et dire « Voici celui dont je serai le disciple. » Le serviteur de Dieu appartient à toute l'Église. C'est Dieu qui place ses serviteurs dans son Église. Nous allons désigner certaines personnes pour qu'elles servent dans un ministère pendant un certain temps. Cependant, ces personnes appartiennent à tout le corps de Jésus-Christ. Ces pasteurs ou enseignants doivent guider et diriger l'Église sous la direction du Seigneur Jésus. Et les chrétiens ne devraient pas se diviser en factions et se ranger derrière certains leaders. En résumé, il y a deux façons de détruire une église. La première, c'est d'adopter la sagesse du monde pour la gérer et l'administrer. Cela corrompt une église financièrement, spirituellement et moralement. Il ne faut jamais examiner comment le monde procède et l'imiter lorsqu'on gère une église. Si nous faisons cela, c'est parce que nous voulons plaire au monde. Nous voulons introduire ce qui plaît au monde dans l'église. Cependant, qu'a dit Paul? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Une bonne façon de détruire une église est d'imiter ce que le monde fait, que ce soit sur le plan moral ou financier. Il en va de soi. Une église se corrompt très vite de cette manière. La deuxième façon de détruire une église, c'est de la diviser. Nous corrompons et affaiblissons l'église lorsque nous nous rangeons derrière différents pasteurs, enseignants ou évangélistes. Ces divisions peuvent se faire aussi au niveau de l'école du dimanche. Les divisions provoquent des querelles, des disputes et des situations qui se prêtent bien à la médisance et à la calomnie. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a beaucoup traité de l'unité du corps et de l'harmonie dans le corps. Le diable va tout tenter pour diviser l'Église du Seigneur. Être divisé en différentes confessions religieuses n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est lorsque nous cessons d'être un en esprit, lorsque nous perdons l'unité et l'harmonie. Les membres du corps de Christ sont regroupés sous différentes étiquettes et plusieurs religions affirment être la bonne ou la meilleure. Cependant, aux yeux de Dieu, tous les sauvés sont des saints qui ont trouvé refuge dans sa grâce. Les véritables croyants sont rassemblés autour du Seigneur Jésus. Que font les différentes factions dans le corps de Christ? Elles détournent l'attention des gens et ils ne focalisent plus sur Dieu. Les gens se mettent alors à se regarder ou à regarder les autres au lieu de se concentrer sur Dieu. Cela ralentit l'œuvre de Dieu et la manifestation de l'Esprit de Dieu est étouffée. Dieu demande aux personnes qui l'aiment de rester dans l'Église et de travailler pour changer les choses. Si Dieu ne le fait pas, ces mêmes personnes changent d'assemblée. Finalement, il ne reste qu'un bâtiment vide. J'ai vu un cas très tragique. J'ai vu un super bâtiment destiné à accueillir l'Église dont la construction n'a pas été achevée, ni le terrain aménagé. Les mauvaises herbes poussaient dans la cour et les portes de l'Église n'avaient jamais été posées. Le clocher n'atteignait que la moitié de sa hauteur, et seuls les cadres de fenêtres étaient posés. Je suis resté dans cette ville pendant 2 ans et demi, et le bâtiment n'a jamais été achevé. L'Assemblée avait entrepris la construction d'un super bâtiment, et ce devait être un chef-d'œuvre architectural. Cependant, les membres de l'Église se sont disputés, puis se sont divisés. Ils n'ont pu s'entendre sur bien des détails. Ils se sont querellés et se sont prêtés mutuellement des mauvaises intentions. Les accusations pleuvaient de toutes parts. Finalement, les gens sont partis et ont trouvé une autre église. Chaque fois que je passais devant ce bâtiment, j'étais attristé par ce mauvais témoignage. Des milliers de personnes passaient chaque jour devant cette église et voyaient ce bâtiment inachevé, témoignage de ce qui se produit lorsqu'une église fonctionne d'après les principes du monde. L'amour, l'harmonie et l'unité sont essentiels à la croissance d'une église. Par contre, la corruption qu'apportent les principes du monde et les divisions détruisent les églises. Mes amis, je vous exhorte à ne jamais participer à la corruption d'une église ou d'un membre du corps de Christ. Dans ce passage, Paul dit qu'il y a 3 sortes de serviteurs. Paul parle principalement des prédicateurs et des pasteurs, mais cela s'applique à tous. Il y a ceux qui sèment comme Paul et ceux qui arrosent comme Apollos. Il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Nous faisons tous une de ces choses dans la vie des gens que nous rencontrons. soit nous semons la parole dans le cœur de ceux qui ne sont pas sauvés, soit nous édifions ceux qu'ils sont, soit nous les détruisons par nos médisances, nos calomnies ou notre esprit amer et critique. Que faites-vous, mes amis? Êtes-vous un semeur, un arroseur ou un destructeur? Nous sommes soit un semeur, soit un arroseur, soit les deux, ou nous sommes un destructeur. Nous ne pouvons pas à la fois semer et détruire. Nous ne pouvons pas à la fois ériger un bâtiment et le démolir. Nous pouvons semer et arroser, mais nous ne pouvons pas semer, arroser et détruire. Tous les serviteurs de Dieu font au moins une de ces trois choses. Réfléchissez aux gens que vous rencontrez. Comment réagissez-vous à ce que vous dites, à ce que vous apportez à leur vie? Et à ce que vous retenez ou ne révélez pas? Sommes-nous un semeur, un arroseur ou un destructeur? Dans ce message intitulé « Comment détruire une église », Charles Stanley nous avertit des conséquences promises à ceux qui causent des divisions au sein d'une église. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a deux façons communes de détruire une église, soit administrer et gérer l'église d'après les principes du monde, soit provoquer une division entre les membres de l'Assemblée. Il est important que vous répondiez à cette question. Êtes-vous un bâtisseur ou un démolisseur? Un de mes collègues de travail a été témoin de la division et de la destruction d'une église par un homme dévoré par sa soif de pouvoir. Il voulait avoir la première place au sein de l'église. Il était jeune chrétien lorsque cela s'est produit et il a longtemps été dans la confusion à ce sujet. Il nourrissait trop d'ambitions personnelles. Son orgueil l'avait aveuglé. Plus tard, cette même personne, qui était devenue pasteur du troupeau qu'elle avait enlevé à un pasteur d'expérience, a abandonné ses brebis. Pourquoi? Parce que le pastorat entrait en conflit avec ses ambitions professionnelles. Cette personne a goûté au châtiment du Seigneur, vous pouvez vous en douter. Dieu, ne l'oublions pas, nous appelle à semer et à arroser, à semer et à édifier, pas à diviser et à détruire. Cependant, si nous démolissons son Église à cause de nos ambitions personnelles, il faut nous attendre à être châtiés. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.